Prends ta grosse ou pop ton top. Les feux de la rampe t'attendent tous les jeudis à l'Abreuvoir. Abreuvoir. Pub, club, terrasse, 403, Ontario-Est. Le Phénomène Wood Kid est de retour. Vous avez manqué le concert du Festival de Jazz cet été? Une seule chance de vous reprendre. Wood Kid, le 17 octobre, au Métropolis. Un spectacle survolté et épique. Wood Kid, billets en vente sur admission.com. La série Jazz à l'année TD, présentée en association avec la presse et CISM. Samedi le 5 octobre, au Club Soda à Montréal. Spectacle métal bénéfice pour Opération Enfant Soleil, 3e édition, avec Wishmaster. Hommage à Nightwish. Avec de la danse et du cirque. Plus de 50 artistes sur scène. Avec les groupes Colony, Heroic et Sweet Fallen. Hommage à Evanescence. Billets en vente à la billetterie du Club Soda. Information 790show.ca. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous en ce lundi 30 septembre. Bienvenue à l'émission Le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusignan. On sera ensemble pour la prochaine heure pour une heure de rock indépendant. Vous allez entendre dans les prochaines... c'est la prochaine heure, justement, la musique de, par exemple, Trust Found, Rhum, Pop 1280, French Film, Ultra Pterodactyl, également Trams. C'est vraiment à la fin de l'émission. La liste des chansons sera disponible, elle, à la fin sur le CISM893.ca. On commence avec deux chansons. Vous allez entendre dans les prochaines minutes Boy Toy avec la chanson Nightmares. Mais pour commencer, on écoute Marnie Stern, une New-Yorkaise qui sortait son 4e album. C'est en mars dernier, un album qui s'appelle The Chronicles of Marnia. Attention, le début de la chanson, là, ça sonne vraiment comme du AC/DC, mais ça se reprend par la suite. On écoute la chanson Nothing is Easy de Marnie Stern. We'll be right back. Nightmares de la formation Boy Toy des gens de Brooklyn qui travaillent actuellement sur un premier album. Il y a d'ailleurs un deuxième extrait qui était publié aujourd'hui sur les internets. En fait, je pense que c'est via la page Facebook du groupe Boy Toy. Et on avait entendu avant Marnie Stern avec Nothing Is Easy. On va maintenant aller du côté de Brooklyn. Non, Brooklyn, c'est l'origine du groupe qu'on vient d'entendre. On va plutôt aller du côté de Melbourne pour un segment relativement pop. On va entendre la formation Smile avec la chanson Born Again à l'émission Le Terminus. Our unchanged by the sun. The food that we bought was unsacred and dumb. And you'll cry and I'll lie on my front. We'll stay in this room till we're tired and done. And we'll fatigué. Alors il faut le calme, l'apaisement d'un bois musqué pour donner l'espace de détendre leur gaz. Au mois d'avril, c'est ce phénomène qui provoque le mouvement, la frise du temps. Et le petit manège tourne comme un règne indépendant. Et le petit manège tourne comme un règne indépendant. Et le petit manège tourne comme un règne indépendant. Dans ce bois abandonné, des homosexuels se mangent les poches. Ils se font des signaux avec de petits sifflets qui cachent dans leurs muscles. Ils disent chez eux qu'ils partent dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Les Français de rhume avec les Bagneaux. Et vous avez constaté, le rhume font une espèce de mélange, là, sont à mi-chemin entre le rock et le hip-hop, avec une petite attitude de punk en plus. Et vous allez voir, si vous allez sur le rhumerhume.bandcamp.com, vous allez pouvoir écouter en entier cet album-là, et même, je crois, le télécharger. Et un album qui est sorti en avril dernier en France, mais qu'on vient de recevoir ici à la station. Très, très, très bon que rhume. Et juste avant, c'était Trust Fund avec Will Boat Apologize, qui est le premier extrait d'un mini-album qui sort demain, mardi 1er octobre, sur le label britannique super cool Rick of Effort. On poursuit avec un duo de Los Angeles, il s'appelle The Dagons. Je vous propose d'écouter une chanson qui se retrouve sur leur album Reverse, qui sortait en 2006, et qui sortait ici au Québec sur le label montréalais Blow the Fuse, entre autres, qui sortait les albums du Nombre, entre autres. Ça sera suivi d'un groupe qui est en spectacle vendredi dernier au CFC, c'était Pop 1280, et ce sera la chanson Human Probe, mais on commence, comme je le disais, avec The Dagons sur les ondes de CISM 89.3. C'était Aride de Brome, le projet d'un gars qui vient de Nantes en France. Il va sortir dans le mois de novembre un mini-album qui s'appelle Par Songs, duquel est extraite la chanson qu'on a entendue, Aride. Mais vous pouvez déjà les entendre, ces chansons-là, sur son Bandcamp, brome.bandcamp.com. Il s'était précédé de Pop 1280 et leur chanson Human Probe. Et ça se retrouve sur l'album Imps of Perversion, sorti en août dernier. C'était pas mal le segment le plus pesant de l'émission. On retourne avec quelque chose d'un peu plus, je dirais peut-être indie-pop. Ce sera les Torontois de Mean Red Spiders avec une chanson qui se retrouve sur l'album Still Life Fast Moving, sorti en 2003. On écoute tout de suite la chanson Beaconsfield à l'émission Le Terminus. Too loud. My trick is- Regal Deagle, Peace on Repeat, ça c'est le nom de la chanson. Et que dire de plus que sur la page Facebook du groupe Regal Deagle, le groupe dit faire du rock ponctuel. Alors, c'est un beau qualificatif à se donner, donc du rock ponctuel pour Regal Deagle. Avant ça, c'était les Scandinaves, je crois que c'est des Finlandais, de French Films, et c'était leur chanson Where We Come From, d'un album qui vient de sortir, en fait, il n'y a pas tellement longtemps, l'album White Orchid. On va maintenant y aller avec un combo de rock garage canadien. Vous allez entendre Average Times des gens de Ottawa, mais pour commencer, Ultra Pterodactyl, un groupe de Montréal qui sortiront demain un mini-album intitulé Quand une mascotte saigne. On écoute à l'instant le premier extrait, Les robots, sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. We'll be right back. Average Times, Summer Nights, une chanson tirée de leur excellent album homonyme qui est sorti au mois d'août sur Bruce Tongue, une étiquette rock garage d'Ottawa, super bon. Et on avait commencé avec Ultra Pterodactyl et leur chanson Les robots savent-ils qu'ils sont des robots? Très bonne question. Restez à l'écoute dans quelques instants, c'est Roman Blouin qui s'en vient avec l'émission Nous sommes les rockers, et d'ailleurs par la suite ce sera Cric-Cric-Crinqué pour encore deux autres heures de rock. Vous avez au moins trois heures de rock pour vous qui s'en viennent. Sinon, la liste des chansons que tournez pendant l'heure se retrouvera dans quelques instants sur le CISM893.ca. Les archives, elles, se retrouvent sur leterminus.ca. On va se quitter avec un album qui sortait la semaine dernière. C'est Grin de la formation Trams. J'ai choisi pour vous, en fait, le tube vraiment de l'album, la grosse chanson. Elle s'appelle Flowers. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle lundi prochain, 19h, pour Le Terminus. Ciao! La 14e édition de Love Jazz se déroulera du 3 au 12 octobre dans différentes salles de Montréal. Plus de 130 musiciens, 27 concerts et 5 lancements répartis sur 8 jours de festival. Le rendez-vous du jazz d'ici. Retrouvez la programmation et les informations sur le site www.lovejazz.com. Love Jazz, c'est essentiel. Le Festival Jazz à l'année. Des concerts qui plairont à tous. Sur scène, George Drexler pour une soirée mariant pop, folk et sonorités d'Amérique du Sud. La formation montréalaise Quartango mélange tango, jazz et musique classique. Le pianiste canadien du boogie-woogie, Michael K. Shammer. et un amalgame de jazz, de funk et de soul avec The Soul Jazz Orchestra. Billets sur montrealjazzfest.com. Une présentation de TD en association avec La Presse Plus et CISM. Le retour tant attendu de Nine Inch Nails, le jeudi 3 octobre au Centre Bell. La tournée Tension 2013 avec invités spéciaux Explosions in the Sky. Jeudi le 3 octobre au Centre Bell. Ne manquez pas le retour de Nine Inch Nails. Billets en vente maintenant au 1-855-310-2525 ou sur evenco.ca. Samedi le 5 octobre au Club Soda à Montréal. Spectacle métal bénéfice pour Opération Enfant Soleil, 3e édition avec Wishmaster. Hommage à Nightwish. Avec de la danse et du cirque. Plus de 50 artistes sur scène. Avec les groupes Colony, Heroic et Sweet Fallen. Hommage à Evanescence. Billets en vente à la billetterie du Club Soda. Information 790show.ca. Pour sa 42e édition, le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal accueille 273 films de 47 pays. Du 9 au 20 octobre 2013, le cinéma à son meilleur vous attend au festival. Venez découvrir des courts et longs métrages, des créateurs québécois, canadiens, internationaux, des installations, des performances, des projets transmédia, des 5 à 7, des conférences et des rencontres. Pour découvrir l'intégralité de la programmation du Festival du Nouveau Cinéma, rendez-vous sur le site web www.nouveaucinema.ca. La 14e édition de Love Jazz se déroulera du 3 au 12 octobre dans différentes salles de Montréal. Plus de 130 musiciens, 27 concerts et 5 lancements répartis sur 8 jours de festival. Le rendez-vous du jazz d'ici. Retrouvez la programmation et les informations sur le site www.lovejazz.com. Love Jazz, c'est essentiel. La tour